Vous écoutez France Culture. Bonjour, les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff. Notre émission va être consacrée aujourd'hui à un ouvrage qui, à première vue, est essentiellement la description d'une importante œuvre d'art historique, une peinture du Moyen-Âge, et la radio n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images de cette œuvre. Mais il m'a semblé que l'ouvrage dont nous allons vous parler est tellement riche, tellement précis et soulève des questions tellement importantes qu'en tout cas, le sujet de la discussion, qui est le thème très important, comme on verra, du tableau, l'intéressera. Alors, quel est donc le titre de cet ouvrage ? Conjurer la peur, Sienne, 1338, sous-titre, Essai sur la force politique des images. Cet ouvrage, paru aux éditions du Seuil, a été écrit par Patrick Boucheron, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Paris-Sorbonne, Paris 1, Paris-Panthéon-Sorbonne, et notre invité est Jean-Claude Schmitt, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, parce que précisément, c'est entre autres un historien médiéviste qui a su montrer la richesse des œuvres d'art et plus largement des images comme source de l'histoire et de l'historiographie. Patrick Boucheron, pourquoi cet ouvrage ? Eh bien, écoutez, pour les raisons qu'explicite, au fond, son titre, Sienne 1338, je commence par le milieu, puisque ça s'appelle « Conjurer la peur », Sienne 1338, essai sur la force politique des images. Sienne 1338, ça se passe ici, ça se passe à ce moment-là. Vous parliez de l'historien, eh bien, au fond, l'historien ne doit pas faire autre chose que de contextualiser l'image. Mais il y a plus que cela, peut-être, en ramenant, en restituant cette image. Donc, la fresque d'Ambrogio Lorenzetti dans le palais communal de Sienne, au moment où Sienne se sent menacée par une subversion politique, en la restituant à cette urgence de dire le danger et de tenter de le conjurer, je cherche, oui, cette force politique des images. C'est-à-dire, est-ce que vont-elles, d'une certaine manière, nous permettre, c'est les Siennois qui parlent, résister à ce qui arrive, c'est-à-dire la tyrannie. Et pour nous, les historiens, est-ce que, d'une certaine manière, une fois qu'on a restitué l'image, je dirais, à l'urgence même de son énonciation, comment rendre compte de sa puissance d'actualisation ? Faire en sorte que, au fond, elle nous parle encore aujourd'hui, elle s'adresse à nous, elle nous regarde. Et elle nous regarde pourquoi ? Eh bien parce qu'elle met en jeu une forme de mobilisation des énergies et des émotions collectives. Conjurer la peur, c'est de cela dont il s'agit, mais c'est de cela dont nous aurons, je crois, bien le temps de parler. Jean-Claude Schmitt, est-ce que vous estimez que cet ouvrage est une bonne illustration de ce que peuvent donner les images comme source historique ? Oui, c'est évidemment indéniable dans le cas de cette peinture fameuse du Palazzo Comunale, Palazzo Pubblico de Sienne. Je crois qu'il faut insister sur deux choses. D'abord, le caractère tout à fait exceptionnel, quasi unique de cette peinture, puisque aussi bien par son commanditaire qui est laïque et public, que par son contenu, qui est profane et politique, c'est une œuvre quasi unique à son époque. On a naturellement, pour cette époque, de grands ensembles de peintures religieuses dans les églises. Et on pense naturellement en premier lieu à Giotto, et on aura sans doute l'occasion de comparer Giotto dans la basilique inférieure d'Assise, ou surtout peut-être le Giotto de la chapelle des Scrovegni à Padoue. Mais autrement, des œuvres profanes de cette ampleur, on n'en a pratiquement pas avant l'extrême fin du Moyen-Âge, avec, disons, le Quattrocento italien. Mais deuxièmement, je voudrais insister sur l'excellence de la méthode suivie par Patrick Boucheron, qui ne cherche pas à rabattre sur la peinture ce que l'on sait par ailleurs, des grands textes de la théorie politique aristotélicienne ou thomiste de cette époque, mais qui part véritablement de la peinture et qui, comme il le dit, laisse faire les images, laisse venir les images à nous, c'est-à-dire les suivre et prendre note de l'ensemble des détails qui font sens dans la peinture elle-même pour illustrer à la manière de la peinture des problèmes qui sont en effet politiques et dont on peut trouver ailleurs l'illustration, mais de façon différente. Patrick Boucheron, avant de parler de cette fresque, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire où elle est, à Sienne ? Quelles sont ces dimensions ? Et est-ce que le terme fresque convient pour la technique employée ? Il convient pour dire peinture murale, c'est-à-dire il convient, je dirais, d'une manière générale, mais pas techniquement. Effectivement, une peinture à fresque est une peinture qui est peinte à fresco, qui est dans l'enduit encore frais, alors qu'au contraire, Lorenzetti a peint trois murs des quatre de la salle de la paix que l'on va présenter à tempera, c'est-à-dire à secco. Bon, ce qui a d'ailleurs à poser, nous y reviendrons peut-être, des problèmes de conservation. Il peint en 1338, il peint effectivement, Jean-Claude Schmitt l'a rappelé, et c'est important, commandé par le régime des Neufs, qui à ce moment-là a une politique de l'image globale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la salle des Neufs, c'est aussi le palais communal, c'est aussi l'extraordinaire campo, c'est-à-dire la place civique qui se love au creux des collines et qui est l'extraordinaire scénographie de cet ensemble monumental, la Torre della Mangia, l'ensemble au fond monumental de cette cité qui, d'une certaine manière, tente d'arc-bouter, je dirais, ses beautés comme un message politique. Et alors, bien sûr qu'il faut voir aussi ce palais, comme l'a dit Jean-Claude, comme un palais communal. Ça veut dire qu'il est en commun, ça veut dire qu'on peut y aller voir. Et c'est quelque chose d'important, c'est à la fois le lieu de pouvoir, le lieu où s'exerce la souveraineté, mais aussi le lieu où les citoyens peuvent y aller voir. Et donc cette disponibilité des images, elle commande, je dirais, l'ordonnancement de la fresque. Et cette fresque, elle est dans la salle dite des Neufs, la salle où se réunissent les Neufs, c'est-à-dire les neuf magistrats qui gouvernent la commune, et elle donne dans une vaste salle qu'on appelle la salle de la Mappemonde, qui est où s'orne majestueuse la maestra, la Vierge en majesté de Simone Martini, alors que effectivement cette salle des Neufs, elle est relativement petite, 14 mètres sur 7, enfin deux grands murs de 14 mètres, 2 mètres de haut environ. C'est ce que Daniel Arras appelle un lieu de peinture. C'est-à-dire que y rentrer, c'est se sentir environné de couleurs affrontées, de motifs enchevêtrés. Et c'est justement cet effet physique. On est pris, on est dedans. Jean-Claude Schmitt, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cet emplacement de cette peinture ? Oui, en lisant le livre, j'ai été surpris en effet des dimensions, car dans mon souvenir, elle était beaucoup plus grande. Oui. C'est dire aussi l'effet extraordinaire qu'elle peut produire. Et d'ailleurs, les contemporains eux-mêmes ont été extrêmement frappés par cette peinture. Et on en a un très beau témoignage. J'en profite pour indiquer à nos auditeurs que ceux qui pourront se procurer l'ouvrage auront en même temps entre les mains un ouvrage très bien présenté quant à l'ornementation par les images qui est abondante et qui permet de suivre le livre dans les détails. Patrick Boucheron, vous partez d'un texte du XVe siècle, d'un Siennois fort connu, qui est devenu un saint, qui était un prédicateur, Saint Bernardin de Sienne, né en 1380 et mort en 1444, qui en 1425 a prononcé à Sienne un sermon qui part de cette fresque. Qu'en dit-elle ? Elle en dit ce que l'on peut, au fond, se souvenir d'elle quand on ne l'a plus sous les yeux. Et d'une certaine manière, ce texte que l'on va entendre, je crois, on dirait qu'il a été écrit pour la radio, parce que justement, il permet d'imaginer. Et là, on est dans l'image au sens anthropologique, comme Jean-Claude Schmitt l'a si bien défendu historiographiquement. C'est-à-dire que Bernardin de Sienne croit que l'impact visuel de cette peinture publique et politique est suffisamment forte pour que ce campon, si j'ose dire, justement, se plantant sur le campo, le dos à cette image que son auditoire ne voit pas, il la décrit. Et ce qui est extraordinaire lorsqu'on entend cette description, c'est qu'il dit voir ce que nous ne voyons plus, alors qu'inversement, il voit des détails que peut-être aujourd'hui le touriste ne discerne plus. Chers auditeurs, fermez les yeux, transportez-vous sur le campo de Sienne et écoutez Saint Bernardin. Quand j'étais en dehors de Sienne pour prêcher sur la guerre et la paix, il me venait à l'esprit ces images peintes pour vous et qui, à coup sûr, furent une très belle invention. Quand je me tourne vers la paix, je vois des marchands aller et venir, je vois danser, je vois que l'on répare des maisons, que l'on travaille les vignes et les terres, que l'on sème, tandis que d'autres, à cheval, sortent pour aller au bain. Je vois des jeunes filles aller à une noce, de grands troupeaux de moutons et bien d'autres choses, et je vois aussi un homme pendu pour que soit maintenue la sainte justice. Et du fait de tout cela, chacun vit dans la sainte paix et la concorde. Au contraire, si je dirige mon regard de l'autre côté, je ne vois ni négoce, ni danse, mais seulement des hommes tuant d'autres hommes. Les maisons ne sont pas réparées, mais démolies et soumises aux flammes. Les champs ne sont plus labourés, les vignes sont coupées. On n'ensemence pas, on ne va pas au bain et l'on ne s'accorde aucun plaisir. Je ne vois rien, si ce n'est que l'on sort de la ville. Oh, femme! Ah, homme! L'homme tué, la femme violentée, aucun troupeau, si ce n'est comme butin. Les hommes s'entretuent, la justice est à terre, les plateaux de la balance cassés, pieds et poings liés. Et toutes les choses que l'on fait, on les fait dans la peur. Je voudrais vous demander, Patrick Boucheron, d'évoquer rapidement quels ont été les événements la concernant qui ont marqué l'histoire depuis le Moyen-Âge, depuis le XVe siècle, jusqu'au XXe siècle. On aurait tort, en effet, à pénétrer dans la salle de la paix, on aurait tort de croire qu'on se trouvera nez à nez subitement avec une œuvre du XIVe siècle. Parce qu'en somme, nous voyons les images, nous voyons entre les images et nous, d'une certaine manière, s'interposer eh bien, ce que le temps a fait d'elle. D'abord physiquement, matériellement, Elle n'a cessé depuis une première catastrophe dont nous parlerons peut-être à la fin de l'émission en 1355. Elle n'a cessé d'être reprise, restaurée, repeinte et d'une certaine manière, comme l'a bien montré Rosa Maria Dessy en faisant l'historique de ces restaurations, il faut une certaine dose d'optimisme pour croire que nous la voyons intacte. Parce qu'il y a effectivement, disons, l'histoire, l'aventure de la matière picturale. Mais il y a aussi l'histoire des interprétations qui, entre elle et nous, fait l'épais feuilleté de l'herméneutique, en somme. Et pour y aller voir, eh bien, il faut percer la gangue de ces interprétations. Et c'est pourquoi, effectivement, je ne me paierai pas le ridicule de dire, ben voilà, je montre la fresque. Non, il y a une bibliothèque entre elle et nous. Il y a effectivement l'histoire des interprétations, le moment où on continuait à la voir. Bernardin de Sienne, 1425, presque un siècle après que la fresque ait été peinte par Lorenzetti, à un moment, 1338, qui était un moment d'urgence, et ce moment est périmé en 1425. Après tout, nous sommes dans une Italie princière. Sienne est tombée dans la coupe des Médicis. Alors, justement, nous cherchons l'actualisation. Quelle était l'actualité de la fresque au XVe siècle, et puis au XVIe, et puis au XVIIe siècle? On dit que c'est une œuvre de propagande, mais d'une certaine manière, la propagande, lorsqu'elle cesse d'être active, on s'en débarrasse. Or, justement, c'est la persistance de cette image. On peut y aller voir toujours. Donc, elle nous regarde, elle nous intéresse toujours. Et donc, ce sont toutes ces interprétations-là qui la rendent possiblement présente. Vous êtes toujours d'accord avec la méthode de Patrick Oui, bien sûr. Non, c'est extrêmement important de faire l'archéologie, en quelque sorte, au sens de Michel Foucault. Enfin, l'archéologie d'une œuvre telle qu'elle nous est donnée aujourd'hui pour remonter à sa source, mais en passant, oui, en redescendant par toutes ces étapes postérieures. Et l'une est extrêmement importante quand on regarde cette image aujourd'hui, c'est bien sûr le 19e siècle, c'est-à-dire le Risorgimento, l'unité italienne et la transformation de l'intérieur même du palais qui fait qu'on n'accède plus aujourd'hui à ce lieu extraordinaire comme on y accédait au 14e siècle. Oui, on y accède par la salle du Risorgimento et d'une certaine manière, et cela ne vous étonnera pas, Jacques Le Goff, ce Moyen-Âge-là est l'ombre portée du XIXe siècle, une fois de plus. Patrick Boucheron, vous avez dit il y a un instant que l'Ambrogio de Lorenzetti était exceptionnel par le sens qu'il a inséré, qu'il a donné dans son œuvre. Et pourtant, c'est un homme de son temps, parce que, en cette première moitié du XIVe siècle, il n'est plus l'artisan qu'étaient les peintres du haut Moyen-Âge, mais il est ce que l'on a considéré comme le premier de ceux à qui on a donné ce nom, un artiste. Un artiste, et de plus, un artiste, si j'ose dire, qui a des idées. Et nous avons donc affaire à un type d'artiste qui est nouveau, mais qui est étroitement lié aux réalités de son temps. Pouvez-nous dire ce que c'est? Oui, vous avez raison. La première chose que donne à voir cette image, c'est de manière majestueuse et solennelle et hautaine, rehaussée d'ailleurs par l'autorité du latin, l'extraordinaire signature Ambrogio Lorenzetti, peintre de Sienne, a peint ceci utrinque de part et d'autre, ici et là, mais aussi d'une certaine manière et d'une autre manière, en tant que peintre réaliste et en tant que peintre allégorique. On y reviendra peut-être. Ça, c'est évidemment ce qui est spectaculaire. Et Quentin Skinner, qui a écrit ce livre qui s'appelle « Portrait de l'artiste en philosophe politique », rappelle que ce qui est attesté sur le plan documentaire, c'est que Ambrogio Lorenzetti non seulement a des idées, mais il les fait valoir dans les assemblées communal, il a des convictions, il a un engagement civique. Et donc, d'une certaine manière, on peut être tenté, oui, de chercher derrière ces images des idées, mais pas l'illustration d'idées. Parce que si Lorenzetti est un peintre savant, si, en tout cas, ses contemporains, et surtout Ghiberti au XVe, Vasari au XVIe siècle, en ont fait l'archétype du peintre savant, je pense que la science de sa peinture, elle est proprement picturale. Et je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Claude Schmitt. Ne pas rabattre l'image sur les textes, c'est ne pas croire que parce qu'on aura trouvé un texte, on aura la clé de l'énigme. Non, l'énigme, je veux dire, si Lorenzetti a quelque chose à dire en son nom propre, et effectivement, on peut dire que c'est aussi un nom collectif, celui de ses commanditaires, Ambrogio Lorenzetti, a quelque chose à dire à ses citoyens, c'est avec les moyens propres de la peinture. Donc, une fois de plus, il faut y aller voir, il faut y exercer son œil. Bien que nous nous intéressions à la peinture en elle-même essentiellement, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la façon dont elle était appréciée, la sienne et par les siennois? Il a été bien payé? Il a été correctement payé, rassurez-vous. Nous sommes bien renseignés parce que Sienne a conservé un document exceptionnel. Qui sont ses paiements, effectivement. Ses paiements, mais pas la commande. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que des motivations des commanditaires, nous ne pouvons au fond conjecturer ce que l'image elle-même nous donne à voir. Il n'y a pas, de contrat. Il n'y a pas de témoignage direct. Il y a les ordres de paiement, donc qui montrent effectivement de manière échelonnée durant toute l'année 1338 et jusqu'en février 1339 un artiste au travail qui est le peintre de confiance des neuf. Et il y a première attestation documentaire dans les années 1350, donc quelques années après la fin de cette fresque, une chronique anonyme de quelqu'un qui n'écrit pas très bien l'italien, donc qui n'est pas un professionnel de l'écrit, qui dit « Ambrogio Lorenzetti a peint dans le palais communal de Sienne la paix et la guerre ». Tiens, c'est intéressant, cette fresque que nous appelons la fresque du bon gouvernement, nous, les filles et fils du Risorgimento qui, obsédés, fascinés par les allégories, non, déjà, premier indice, au XIVe siècle, ce que l'on voyait, c'était la paix et la guerre. Et il ajoutait, ce chroniqueur, et qui veut la voir peut y aller. Ouverture, disponibilité du palais communal. Vous nous avez dit qu'il y avait un texte qui illustrait la peinture. Vous nous avez dit que ce qui était aussi assez nouveau et exceptionnel, ce texte était non pas en latin, mais en italien. Ce texte invite le visiteur à regarder les images. Regardons. Tournez les yeux pour admirer. Vous qui régissez, celle qui est figurée ici et qui, pour son excellence, est couronnée, laquelle rend toujours à chacun son dû. Regardez tous les bienfaits qui proviennent d'elle. Combien est douce et reposante la vie de cette ville où est respectée cette vertu qui, plus qu'aucune autre, resplendit. Elle garde et protège ceux qui l'honorent. Elle les nourrit et les apaise. De sa lumière naît la récompense de ceux qui font le bien et les châtiments dus aux malfaiteurs. Patrick Boucheron, Lorenzetti lui-même, nous dit que sa peinture a deux côtés, si je veux dire. Il a deux côtés et, en effet, Et cette peinture est d'abord l'affrontement entre deux situations, la guerre et la paix. Est-ce que vous pouvez dire comment se présente la mise sous les yeux du spectateur de cette histoire de la vie communale des Siennois? Et pour commencer, puisque nous allons passer de l'enfer au paradis, comment est l'enfer? L'enfer est sur terre. C'est vrai que lorsque nous regardons par exemple un tympan de cathédrale, et au fond, on peut se demander si dans la salle de la paix et de la guerre, nous ne sommes pas devant la réplique laïcisée du grand jugement. Eh bien, nous avons tendance à considérer l'enfer comme la vision tordue de la réalité. Mais si c'était ça la réalité, c'est vrai que la part mauvaise de la fresque, celle que nous avons, je dirais, sous le nez lorsque nous entrons dans cette salle, parce que lorsque nous entrons dans cette salle, nous sommes nez à nez, alors nous, pas les touristes aujourd'hui, mais nous les Siennois du XIVe siècle, si j'ose dire, lorsqu'on rentre en tant que gouverné, eh bien on voit d'abord les effets du mauvais gouvernement sur le contado, et sur la ville. C'est une partie, la partie funeste, la partie méchante de la fresque, c'est une partie que, à mon sens, on ne regarde pas assez. D'abord parce qu'elle est détruite, et on y reviendra peut-être. La matière picturale est très dégradée. Et donc, j'ai voulu simplement soutenir le regard, la regarder longtemps. Et comme si, au fond, de cette fresque, on pouvait faire une lecture dantesque. D'abord l'enfer, ensuite le purgatoire, enfin le paradis. Cet enfer, vous avez voulu, le comparer, mais évoquer, pour le comprendre et le remettre encore dans l'atmosphère de l'époque, avec une autre fresque célèbre à Pise. Oui, c'est le Campo Santo, qui lui est presque exactement contemporain. Dans les années 1336, 1338, on peut discuter la datation de Bufalmacco, qui voit là encore planer sur un paysage désolé, une mort qui vient, la timor, c'est-à-dire la peur. Et je crois que la peur, elle est un sentiment très politique dans cette Italie communale qui se sent cernée par la seigneurie. Oui, et d'ailleurs, je pense que dans une histoire des idées politiques et des passions politiques, la peur doit tenir une grande place au cours de l'histoire. Comment se fait maintenant le purgatoire, la transition de... triomphe de la mort à la victoire de la concorde et de la paix? D'abord, peut-être en nommant les malheurs. Cette première partie de la fresque sur les effets de la guerre, elle décrit non pas la guerre, mais justement ses sinistres conséquences, ce qu'on appelle le guasto, c'est-à-dire ces armées en campagne, ou plus exactement ces armées qui se débandent et qui vivent sur le pays, qui le gâtent. Et là, on a le contraire d'une scène de bataille, en somme, on a la désolation, la dépopulation, on a une ville qui est entièrement livrée à la discorde, à la division. Et pour en sortir, eh bien on va tenter de, on dirait aujourd'hui, de monter en généralité, c'est-à-dire de nommer ce mauvais gouvernement. Et nous sommes toujours sur le mur ouest, et nous voyons les effets du mauvais gouvernement sur le contado, sur la ville, et une sorte de cour des vices qui va décrire d'abord un tyran, un méchant diable qui gouverne la cité divisée, la cité en guerre, et qui est effectivement bien mal conseillé par tous les vices. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas, sinon des allusions, du moins un certain effet dans l'ambiance judiciaire de l'époque, dans la façon de rendre la justice. Est-ce que ça n'a pas pu aussi donner un certain élan à Lorenzetti? Et oui, vous avez raison, parce que sans doute, nous pensons là au grand travail de Jérôme Bachet sur les justices de l'au-delà. Et nous savons très bien aujourd'hui que cette évolution que les grandes monarchies connaissent au XIIIe et XIVe siècle, les régimes communaux et en particulier ce qu'on appelle les régimes dits popolo, c'est-à-dire les régimes du popolo, le popolo qui désigne l'élargissement de la base sociale des régimes communaux au-delà, disons, de la noblesse féodale, eh bien, le popolo a à cœur de défendre le bien commun. Et qu'est-ce que c'est que le bien commun? C'est la justice, c'est la fiscalité et c'est l'édilité. Mais c'est une certaine justice, une certaine fiscalité, une certaine édilité. Et la justice que le popolo défend, c'est la justice inquisitoire, c'est-à-dire celle qui s'attaque au corps, celle qui promet aux méchants un juste châtiment. Et cela, cette question de la pacification d'une société par une justice sévère, cela court sur les trois murs de la fresque. Est-ce que face aux méchants tyrans, nous n'avons pas, si nous nous avançons maintenant vers le paradis, au contraire, un personnage aussi masculin, un personnage aussi vénérable, et qui, lui, soit un personnage de la paix et du bien. C'est celui qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est la version redressée du tyran, de celui qui est le prince des ténèbres, qui a cette bestialité un peu comique d'ailleurs, comme un masque de théâtre, un masque blême, et qui est désigné comme l'adversaire, le tyran. On a sur le mur nord, puisque vous nous invitez maintenant à regarder le petit mur des allégories, les principes du bon gouvernement. Et c'est cela qui a proprement captivé les historiens des idées politiques, avec l'idée que derrière ces images, il fallait trouver des textes, alors que derrière les effets du bon et du mauvais gouvernement, il fallait trouver des réalités. Donc cela fait une sorte de dichotomie disciplinaire entre les historiens des idées et les historiens, disons, du social. On peut dire que, et là, il faut aussi payer ses dettes, la première grande lecture politique la fresque de Lorenzetti. Elle est due à Nikolai Rubinstein en 1958, qui y voit une sorte de somme visuelle de l'aristotélisme politique, c'est-à-dire de la capacité qu'ont eu les régimes communaux à, je dirais, baptiser, avec Thomas d'Aquin, la philosophie aristotélicienne du bien commun. Alors, Rubinstein a dit « c'est le bien commun ». Nous avons un personnage souverain, majestueux, solennel, qui exprime d'abord la souveraineté de Sienne sur son contado, et aussi, ajoute Quentin Skinner, l'exercice de la justice lui-même. C'est-à-dire que ce personnage, il est souverain, mais il n'a pas de couronne sur la tête, il a le bonnet de verre du podestat, du juge. Et donc la question, c'est de savoir s'il représente le bien commun ou cette vertu républicaine, mais dans ce cas-là, nous serions plutôt du côté de Cicéron que d'Aristote, cette vertu républicaine qui sied aux officiers de la Commune. Immense débat historiographique sur lequel peut-être sans doute aujourd'hui une des historiennes les plus averties quant à l'histoire au large de la peinture politique italienne, Maria Monica Donato, donne plutôt raison à Nikolai Rubinstein. Mais là, Jean-Claude Schmitt, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le débat est ouvert, assurément. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans tout ce qu'on vient de dire. Et je ferai juste une réserve concernant l'application de la trilogie Enfer, Purgatoire, Paradis. Parce que je pense que c'est beaucoup plus duel que cela, et qu'en réalité, ce que vous appelez ce purgatoire, par la figuration des allégories du mal, fait partie quand même de l'enfer. Et donc, et le texte lui-même, quand on dit, Lorenzetti lui-même dit « untrinque » ou « trinque », c'est-à-dire des deux côtés, il oppose véritablement les deux. Enfin, ceci n'est pas très, très important. L'autre point, en effet, c'est ce magistrat qui est aussi le bien commun. Pourquoi choisir ? Oui. Pourquoi choisir ? Et est-ce que ça n'est pas justement le propre de l'image de pouvoir mettre en scène l'ambivalence et une tension permanente devant les yeux, sous les yeux des spectateurs et des acteurs politiques eux-mêmes ? Une tension qui, d'un côté, en effet, renvoie à cette théorie aristotélicienne du bon gouvernement, mais de l'autre, magnifie et isole une figure qui, certes, est anonyme. C'est le magistrat dans sa... C'est comme catégorie, mais qui, en même temps, individualise beaucoup le pouvoir. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose qui va dans le sens même du danger qui est inscrit à l'intérieur de cette fresque qui prétend exorciser ce danger. Je ne sais pas si oui. Vous êtes d'accord avec cette analyse. Pleinement, vous avez raison. Au fond, la force politique des images, ce serait de désigner ce que les mots ne peuvent pas dire. C'est-à-dire, ces allégories, nous voulons les verrouiller, comme si nous étions au XVIe siècle. Et ça, c'est peut-être, me semble-t-il, à la fois la force, mais aussi... peut-être le danger de l'explication skinnerienne. C'est-à-dire qu'en tant qu'historien des idées de l'ordre classique, il croit que lorsque on a mis un texte derrière une image, alors c'est fini. Alors on peut mettre la clé sous la porte, si j'ose dire, parce qu'on a déverrouillé. Non, je ne crois pas. Je pense qu'on n'a pas à choisir, effectivement, entre une lecture thomiste du bien commun ou cicéronienne de la République, que ces régimes communaux bricolaient avec des idéologies, une communication qu'on appellerait aujourd'hui une communication de crise, et que de cette crise, finalement, les images permettent justement de rendre visible la tension. Nous sommes arrivés à un moment où nous nous sommes déjà pas mal déplacés. Et il me semble que, vous le dites très bien d'ailleurs, un des caractères de cette fresque, c'est de mettre en image, de donner le sens du déplacement de l'espace. Et si on abuse, ceci est d'autant plus important dans le cas de cette fresque, c'est que, représentant une ville médiévale, elle représente à sa suite, avec elle, ce qui est inséparable d'une ville médiévale, son environnement rural, ce qu'on appelle... en italien, le contado. Le paysan, d'ailleurs, étant le contadino. Et alors, que dites-vous de cette représentation du contado, de l'espace, dans la fresque de Lorenzetti ? Bien, je dis, mon cher Jacques, que nous sommes en Italie, et que, justement, c'est le génie du lieu italien que de... sortir de la porte de la ville et d'être encore dans l'urbanité. C'est-à-dire que, évidemment, la puissance extraordinaire, figurative de cette œuvre, c'est de rendre visible non seulement l'emprise politique d'une ville sur son territoire, mais sa capacité à projeter la mise en valeur, à projeter les valeurs, justement, de civilité, d'urbanité. Donc, sur la fresque, donc le mur, Est s'étend les effets du bon gouvernement sur la ville et sur le Contado. Et c'est là, proprement, je dirais, le fonctionnement iconique de l'image atteint là son maximum d'efficacité. Parce que ce qu'il exprime, c'est que le bon gouvernement n'est pas le gouvernement qui est inspiré par des principes justes, ni même exercé par des hommes vertueux, mais celui qui a, ici et maintenant, des effets bénéfiques sur chacun d'entre nous, en ville et dans le Contado. Et ça, c'est une représentation de la ville, mais qui est moins réaliste qu'on le croit. Parce que cette dichotomie entre l'allégorie et le réalisme, elle est évidemment frappante et elle fait la dichotomie, Jean-Claude Schmitt a raison de le rappeler, de la fresque. Mais en même temps, ce que j'ai tenté de faire, c'est de lever des allusions politiques sur le mur des allégories, celle que vous m'invitiez à définir, l'édilité, la fiscalité, la justice, et en même temps de décrire, je dirais, les effets symboliques de cet extraordinaire panorama, ce travelling des rues et des collines. Je crois qu'il y a aussi une chose très importante dont vous parlez fort bien d'ailleurs dans votre ouvrage. Je vous ai poussé pour retrouver l'espace chez Lorenzetti hors de la ville. Mais ça commence déjà dans la ville. Et dans la ville, il y a un lieu d'autant plus intéressant, si je peux dire, que c'est au centre de ce lieu que Lorenzetti peint sa fresque. C'est l'espace public. Oui, un espace public en tant que l'espace public n'a pas de propriété architecturale particulière. Il n'est pas symétrique, il n'est pas même particulièrement beau. C'est ça qui est touchant dans cette ville. C'est en rien une ville idéale. C'est la ville dans laquelle nous vivons. Simplement, c'est une ville qui est bien régulée. On la voit d'ailleurs, c'est à une sorte de je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Claude, mais de démocratie des perspectives. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans cette représentation d'un albertienne de ce que Daniel Arras appelait la vision d'un roi borgne sur le monde. Il n'y a pas de point de fuite unique. Chacun est dans sa place. Ou dans son lieu, je ne sais pas si on peut parler de lieu à ce moment-là. Personnellement, je parlerai de lieu. Je crois qu'il y a deux points qui sont absolument essentiels et qu'il faut souligner, qui ont bien sûr été énoncés par Patrick Boucheron. C'est d'abord cette espèce de mélange d'allégorie et de réalisme, pour parler très grossièrement, en utilisant ce mot de mimétisme qui a été théorisé par un grand historien de la littérature qui était Erich Auerbach, dans les années 1950, disons. Et pour montrer qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de mimétisme. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et je trouve une confirmation de cette hypothèse dans ce livre et naturellement dans cette œuvre. C'est-à-dire que ce que nous voyons comme imitation n'est en fait pas de l'imitation, mais est toujours travaillé par ce que Auerbach appelle la figuration, qu'on peut appeler ici l'allégorie, le symbolisme, etc. Les deux sont absolument inséparables et il y a là encore une tension permanente entre ces deux pôles. Et le deuxième point, c'est la question de l'espace. Je ne parle pas d'espace dans les images médiévales. Je ne pense pas qu'il y ait de représentation de l'espace. Il y a des lieux. Et on voit cela parfaitement dans cette œuvre, comme on pourrait le voir chez Giotto à Assise, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des espèces de lieux associés, articulés les uns aux autres, et qui font qu'il n'y a pas, en effet, un point de perspective, mais beaucoup de lieux différents qui, chacun, ont leur logique spatiale, avec guillemets, propre. Et on le voit particulièrement dans l'image de la ville bien gouvernée, où l'on a non pas une direction d'éclairage venant, par exemple, de gauche vers la droite, du soleil vers l'ombre, mais depuis le centre même de l'image, un rayonnement vers l'ensemble des bâtiments, par exemple, qui entourent. Ce qui fait que cette œuvre est extrêmement complexe du point de vue de sa construction, puisqu'on a à la fois une espèce de centre de l'ensemble, et c'est le bon gouvernement, naturellement, l'image même du bien commun et du magistrat. Et en même temps, il y a des centres qui sont aussi bien du côté des effets du mauvais gouvernement que des effets du bon gouvernement. Et le centre des centres, si j'ose dire, c'est la danse qui est au cœur de la ville et qui rayonne de sa luminosité sur l'ensemble des lieux. Voilà. Alors, vous nous emmenez, je dirais, presque un peu par surprise vers ce à quoi nous emmène aussi la fresque de Lorenzetti et le livre de Patrick Bouchon. Les visiteurs de la salle du bon gouvernement à Sienne sont en général, je l'ai été, frappés par une image qui, parmi les images imposantes ou parmi les images terribles, est une image de paix, une image de joie, et qui est exprimée par la danse. Un groupe de danseurs semble nous attirer vers eux et vers ce lieu qu'est la ville, qui est capable de devenir un lieu de bonheur. Pour le dernier chapitre de son livre, Patrick Boucheron nous appelle, eh bien, dansez maintenant. Jean-Claude Schmitt, je crois que vous avez des choses à nous dire sur la danse au Moyen-Âge. Alors, sur la danse, oui, mais sur cette danse particulière, c'est à Patrick Boucheron qu'il faut le demander. C'est évidemment, il va le dire lui-même, une représentation tout à fait exceptionnelle, tout à fait étrange même, puisque ces danseurs, il y en a neuf. Neuf, bien sûr, puisque c'est le chiffre qui revient sans arrêt, qui est le chiffre de l'idéologie politique de la commune de Sienne. Mais neuf personnages qui dansent, dans lesquels on a vu très souvent des femmes dansant, parce qu'elles sont en robe. En fait, ce sont des hommes, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et Patrick Boucheron ajoute des professionnels de la danse qui dansent une rida, oui. Une danse, une farandole, pourrait-on dire, en forme de S, ce qui serait l'initiale même de la ville. Oui. Mais pas une ronde, alors que la danse médiévale, c'est la danse en rond. Et le meilleur exemple, c'est la carole, par exemple, dans Les enluminures du roman de la Rose. Oui, c'est exactement ça. D'abord, tout est affaire de rythme, ça ne vous étonnera pas. Les neuf créent une sorte de sourdine obsédante, jusque d'ailleurs sur la place du Campo, qui est scandée par neuf traits de briques. Et puis ce rythme, c'est celui à la fois qui s'étend de la ville au Contado, avec ses espacements entre les maisons et entre les collines, les rues étant aux maisons ce que les vallées sont à la colline. Donc tout cela crée un rythme entraînant d'une danse, vous dites gaie. Elle l'est, assurément, mais c'est une gaieté assez grave, assez solennelle. C'est une danse que je pense pouvoir, à la suite de beaucoup d'historiens, d'ailleurs, Janet Bridgman, Quentin Skinner, ramener à ces formes de ritualité civique, ces émotions obligées que, justement, les magistrats publics rendaient nécessaires en cas de crise, pour conjurer la peur, précisément. Parce qu'il y a des moments où on dit, lorsque le mal sournois, justement, de la tyrannie, menace, rôde, alors organiser, orchestrer les émotions collectives, faites de ces grandes célébrations civiques, de ces danses solennelles et graves, pour justement mobiliser les énergies. Et justement, cette danse, elle est sous le regard de la paix. Car, d'une certaine manière, la paix est le grand personnage, avec la justice, de cette fresque qui donne à voir une société pacifiée par un gouvernement juste. Or, cette paix, elle est incroyablement triste. Elle a les yeux verts et elle est mélancolique. Et ce qu'elle voit, le monde qui est le sien, dont elle a qu'elle a enfanté, proprement dit, c'est celle de cette danse solennelle qui est celle, au fond, je dirais, de Oui, d'une gravité au cœur du triomphe, comme si la République avait pour horizon, sinon la déception, du moins une forme de désenchantement. Et au fond, d'avoir regardé cette fresque depuis le mauvais côté jusqu'au bon côté nous oblige, une fois qu'on est au bon côté, à se souvenir qu'on a vu l'enfer, justement. C'est-à-dire que notre regard s'en trouve, embrumé ou rembruni. Oui, et d'ailleurs, je dois dire, de tous les sentiments si nombreux que vous avez su retrouver dans cette fresque, et dont d'ailleurs la plupart ont été indiqués par Lorenzetti lui-même, qui leur a donné un nom, le plus souvent leur nom latin, qui est le nom le plus majestueux. Vous avez, vous, choisi un mot qui n'est pas de l'ordre de ses vertus, mais qui est au contraire de l'ordre des sentiments, de l'ordre des passions, la peur. Et je pense que vous avez su, pour montrer ce qui vous paraît le point culminant de cette œuvre majeure, ce qui y est en définitive le moins directement loué, mais le plus suscité, la peur. Et c'est le terme, je crois, et l'expression « senza paura » qui est le conseil que Lorenzetti donnait à ses concitoyens. Comment concluriez-vous cette... Peut-être en donnant la parole à la Securitas elle-même, qui nous enjoint de ne pas avoir peur, « Senza paura », ça a été, au fond, le titre, vous m'interrogiez au début, c'était le titre secret du livre, je voulais l'appeler « Senza paura », parce que c'est ce que la Securitas dit ultimement du bon gouvernement, c'est le gouvernement qui vous laisse en sûreté, c'est-à-dire qui garantit les libertés, cette liberté d'aller et venir, d'échanger, de commercer, de discuter, de converser. Et tout cela... c'est une toute petite figure. C'est la Securitas. Elle est au-dessus de la porte qui tranche, mais qui relie surtout la ville et le Cantado, et elle tient un pendu. Et cela, peut-être que les visiteurs d'aujourd'hui ne le voient pas, mais Bernardin, si on se souvient de ce texte que nous avons entendu au début de cette heure, l'avait très bien vu et s'en souvenait. Elle tient l'échafaud sans peur. Vous pouvez cheminer librement. Parce que la potence est, hélas, aussi un des grands instruments du Moyen-Âge. Vous venez à l'instant de dire un mot qui, me semble-t-il, ne se retrouve pas dans tout ce vocabulaire. Libertas, liberté. Vous avez raison. C'est le mot que j'ajoute indûment, peut-être. C'est la force d'actualisation. Je viens de dire liberté publique et j'ai eu assurément tort. Je pensais, j'avais traduit pour moi-même Securitas en sûreté, ce que les philosophes du XVIIIe siècle appelleraient sûreté. Bien sûr, il ne s'agit pas de liberté. Il s'agit de la paix et de la concorde. Et la concorde, c'est un beau mot. Et c'est un mot, justement, que... Lorenzetti fait rimer avec une image qui est la corde. C'est-à-dire que ces âmes sont proprement accordées. Elles sont liées entre elles par un lien qui n'entrave pas mais qui libère. Je pense que si on étendait la comparaison à d'autres villes, notamment de grandes villes d'Allemagne du Nord par exemple, on se rendrait compte que la notion de liberté n'est guère utilisé dans l'idéologie politique urbaine de cette époque, bien sûr, on parle des libertés, au sens de privilège, éventuellement des gens libres, qui ne sont pas des serfs, mais la liberté comme valeur, c'est rarissime. Oui, vous avez raison. Et d'une certaine manière, concorde est un mot qui est bien plus accordé, si je me permets ce jeu de mots, mais qui est dans la fresque en réalité, avec la valeur musicale et rythmique de cette fresque. Je pense en effet que c'est... mot d'ordre me semble trop fort, trop violent. Le conseil, l'appel que lance Lorenzetti à ceux qui verront sa fresque, c'est celui de Concordia. Et quand on connaît, comme les médiévistes que nous sommes, quel lieu de dispute, de conflit a été le monde urbain médiéval, je crois que nous voyons là, et c'est une source, mon cher Jean-Claude Schmitt, le terme qui exprime le mieux l'idéal de la ville au Moyen-Âge et qui est celui de Concorde, sans se douter, si vous me permettez de tirer la couverture à moi, à nous, de penser à la place de la Concorde parisienne. Voilà que je l'ai transporté indûment à Sienne, mais je pense que, en insistant sur Concorde, comme vous l'avez fait, vous avez montré que c'est autour de cette idée d'union, plus encore que de paix, d'union et de tranquillité, que cette œuvre étonnante appelle ceux qui la verront, ce que je souhaite évidemment de tout cœur à nos auditeurs, aller à Sienne, retourner à Sienne et entendez en y allant ce texte que Patrick Boucheron a choisi pour vous et qui est un morceau de l'inscription qui se trouve sur la peinture, c'est le cartouche de la Securitas. Sans peur, que tout homme marche sans dommage et que chacun cultive et sème aussi longtemps que cette commune restera sous la seigneurie de cette dame, car elle a ôté au coupable tout pouvoir. C'était les lundis de l'histoire avec Jacques Le Goff, Conjurer la peur, Sienne 1338, Essai sur la force politique des images, l'édition du Seuil, avec Patrick Boucheron, professeur à l'université de Paris 1 Paris Panthéon-Sorbonne, et Jean-Claude Schmitt, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Les textes